connaissez le générique qui annonce l'arrivée de Franck Ferrand. On remonte le temps avec vous. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 19 février 1788. Oui, à la veille de la Révolution donc, et ce jour-là se tient la première séance de la Société des Amis des Noirs. Et de quoi s'agit-il ? D'une association inspirée par une société anglaise et fondée en France par toutes sortes de penseurs éminents de politique de l'époque tels que Mirabeau, Brissot, Clavière. Ces grands hommes se sont mis en tête d'abolir, et croyez-moi c'est une idée incroyablement audacieuse pour l'époque, d'abolir l'esclavage et la traite des Noirs. Ils militent même, rendez-vous compte, pour l'égalité entre blancs, hommes de couleur et métis. En 1789, ils sont rejoints par un homme qui va devenir leur héros à Huté, l'abbé Grégoire, un défenseur de longue date de cette cause. Et que font-ils, Franck, concrètement ? Alors ils essaient de faire évoluer les consciences, disons. À l'Assemblée constituante, par exemple, où Condorcet est membre influent de la société, présente un programme intitulé « Au corps électoral contre l'esclavage des nègres ». Nègres, à l'époque, ça n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui, bien sûr. J'imagine qu'ils se font assez logiquement des ennemis, oui. Ces amis des Noirs. Ah oui, oui, bien sûr, surtout dans les Antilles, à Saint-Domingue, vous imaginez, où l'on utilise la main-d'œuvre gratuite venue d'Afrique pour faire prospérer les affaires. Les colons sont furieux, ils veulent faire interdire l'application de la Déclaration des droits de l'homme dans les colonies. On accuse l'abbé Grégoire d'être en cheville avec l'Angleterre. Enfin, quand même, finalement, le 4 février 1794, l'esclavage est aboli par la Convention, abolition qui va être largement théorique. Du reste, Bonaparte rétablira l'esclavage en 1802. Il faudra attendre 1848 et Victor Schœlcher pour que la pratique, alors là, soit définitivement abandonnée en France. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et bien justement, nous irons plonger au cœur du Paris de la Révolution.